Léandre, il est fort à la mode, l'intimait d'un ton véhément. Qu'arrive-t-il, messieurs? On vient. Comment vient-on? On poursuit ma partie. On force une maison. Quelle maison? Maison de notre propre juge. On brise le cellier qui nous sert de refuge. De vol, de brigandage, on nous déclare auteurs. On nous traîne. On nous livre à nos accusateurs. À maître Petit-Jean, messieurs. Je vous atteste. Qui ne sait que la loi? Si quis canis, digeste, dévie paragrapho, messieurs Caponibus, est manifestement contraire à cet abus. Et quand il serait vrai que Citron, ma partie, aurait mangé, messieurs, le tout, ou bien partie, du dit Chapon, qu'on mette en compensation ce que nous avons fait avant cet action, quand ma partie a-t-elle été réprimandée? Par qui votre maison a-t-elle été gardée? Quand avons-nous manqué d'aboyer au larron? Témoins trois procureurs, dont il celui Citron a déchiré la robe. On enverra les pièces. Pour nous justifier, voulez-vous d'autres pièces? Petit Jean. Maître Adam, l'intimé. Laissez-nous. Petit Jean. L'intimé. L'intimé. Laissez-nous. Petit Jean. Sans roue. L'intimé. Eh, laissez-nous. Dandel. Reposez-vous et concluez. L'intimé d'un ton pesant. Puis donc, qu'on nous permet de prendre haleine et que l'on nous défend de nous étendre, je vais, sans rien omettre et sans prévariquer, compendieusement énoncer, expliquer, exposer à vos yeux l'idée universelle de ma cause et des faits renfermés à Nicelle. Dandin, il aurait plutôt fait de dire tout 20 fois que de l'abréger une. Oh, ou qui que tu sois, diable conclu, ou bien que le ciel te confonde. L'intimé, je finis. Dandin, ah! L'intimé, avant la naissance du monde. Dandin, bâillant. Avocat, passons ce déluge. L'intimé, avant donc la naissance du monde et sa création, le monde, l'univers, tout, la nature entière, était enseveli au fond de la matière. Les éléments, le feu, l'air et la terre et l'eau, enfoncés, entassés, ne faisaient qu'un monceau, une confusion, une masse sans forme, un désordre, un chaos, une cohue énorme. Unus era toto nature vultus in orbe, quem graeci dixere cao, rudis indigesta moles. Léandre, quelle chute, mon père! Petit Jean, ah, monsieur, comme il dort! Léandre, mon père, éveillez-vous! Petit Jean, monsieur, êtes-vous mort? Léandre, mon père! Dandin, eh bien, quoi, qu'est-ce? Ah, ah, quel homme! Certes, je n'ai jamais dormi d'un si bon somme. Léandre, mon père, il faut juger. Dandin, aux galères. Léandre, un chien aux galères. Dandin, ma foi, je n'y conçois plus rien. Du monde, de chaos, j'ai la tête troublée. Et concluez. L'intimé, lui présentant le petit chien. Venez, famille désolée. Venez, pauvres enfants, qu'on vous rende orphelins. Venez faire parler vos esprits enfantins. Oui, messieurs, voyez ici notre misère. Nous sommes orphelins. Rendez-nous notre père, par qui nous fûmes engendrés, notre père qui nous. Dandin. Tirez, tirez, tirez. L'intimé. Notre père, messieurs. Dandin. Tirez donc. Quel vacarme. Ils ont pissé partout. L'intimé. Monsieur, voyez nos larmes. Dandin. Ouf. Je me sens déjà pris de compassion. Ce que c'est qu'à propos toucher la passion. Je suis bien empêché. La vérité me presse. Le crime est avéré. Lui-même, il le confesse. Mais, s'il est condamné, l'embarras est égal. Voilà bien des enfants réduits à l'hôpital. Mais, je suis fatigué. Nous reprendrons tantôt. Rentrez chacun chez vous et tombez le rideau. Après avoir couru le risque d'être envoyé aux galères par Dandin, le chien Citron sera finalement gracié.